Il monta le perron, la mordant l'âme. À son aspect, la porte vitrée s'ouvrit. Il trouva les valets, sérieux comme des ânes qu'on étrille. La fête à laquelle il avait assisté s'était donnée dans les grands appartements de réception, situés au rez-de-chaussée de l'hôtel de Beauséant. N'ayant pas eu le temps, entre l'invitation et le bal, de faire une visite à sa cousine, il n'avait donc pas encore pénétré dans les appartements de Madame de Beauséant. Il allait donc voir, pour la première fois, les merveilles de cette élégance personnelle qui trahit l'âme et les mœurs d'une femme de distinction. Étude d'autant plus curieuse que le salon de Madame de Restaud lui fournissait un terme de comparaison. À 4h30, la vicomtesse était visible. 5 minutes plus tôt, elle n'eût pas reçu son cousin. Eugène, qui ne savait rien des diverses étiquettes parisiennes, fut conduit par un grand escalier plein de fleurs, blancs de ton, à rampes dorées, à tapis rouges, chez Madame de Beauséant, dont il ignorait la biographie verbale, une de ces changeantes histoires qui se comptent tous les soirs, d'oreille à oreille, dans les salons de Paris.